Donc, je vais parler du banquet dans le contexte de l'archéologie égéenne et sous une forme qui ne sera pas descriptive. Il y a eu énormément de cas de banquets avérés ou allégués pendant la dernière décennie et ce serait très très long de les passer en revue ou même d'essayer d'en faire une synthèse. Donc, j'ai choisi une approche un peu différente, celle d'une. Une analyse de cette espèce d'engouement qu'on peut discerner dans les travaux qui ont été réalisés pendant la dernière décennie. En introduction, il faut que je précise quelque chose, c'est que l'archéologie dite égéenne, c'est d'abord une archéologie anglo-saxonne, et donc tout le vocabulaire est anglo-saxon, il y a très très peu de choses en allemand, en italien, encore moins en français, et donc on va beaucoup rencontrer dans la littérature le mot qui est utilisé en anglais, c'est-à-dire le feast ou feasting, et qui est directement relié étymologiquement au mot de fête à l'origine dans le sens de fête religieuse, qui impliquait automatiquement la consommation de nourriture et de boissons. Et donc en français, on a ce lien entre festin et fête, festoyer, et simplement le mot de banquet ne le contient plus. Mais je voulais le rappeler, c'est plus évident pour les anglo-saxons que pour nous. Donc moi, je garderai comme sens de banquet un sens large, qui est consommation de boissons et ou de nourriture, je ne m'avancerai pas plus, en groupe, à l'occasion d'un événement spécial, qui peut être toutes sortes de choses, une fête religieuse ou pas, ou civile, privée ou publique, et à des échelles diverses. Je précise, mais je pense que ça va de soi pour tout le monde, qu'on touche évidemment à la dimension culturelle de la nourriture par opposition à sa fonction nutritive, nutritionnelle. Et qu'il ne s'agit évidemment pas de simples repas, mais de cérémonies. Et je pense qu'on peut. Ces cérémonies sont toujours sous-tendues par un système social ou politique ou religieux ou économique, mais en tout cas un système qui est reconnu, connu et reconnu implicitement par tous les participants à la cérémonie. Et c'est pour ça qu'on peut, je pense, sans se tromper, parler de rituel communautaire à propos du banquet. La souris marche. Juste pour que vous sachiez où on va, donc je vous montre rapidement le plan de ma présentation. Donc je ferai un petit état des lieux qui nous permettra de remarquer qu'il y a eu une production explosive pendant les dernières décennies et donc qui me pousse à parler d'un véritable engouement pour le thème du banquet. Ensuite, je vais essayer d'analyser les raisons de cet engouement en considérant une conjonction de nouvelles connaissances qui ont été mises à disposition des égéanistes, comme on appelle les archéologues, les spécialistes d'archéologie égéenne, des nouvelles connaissances qui se sont trouvées toutes à disposition à un certain moment, c'est-à-dire au tout début en fait, du XXIe siècle, qui concernaient d'abord un cadre conceptuel bien mis au point par les travaux des sociologues et des ethnologues, en particulier les travaux des sociologues sur la consommation, qui ont précédé, des travaux qui ont précédé les travaux sur le banquet. Ensuite, il y a eu beaucoup de progrès dans l'analyse fonctionnelle de la céramique. Il y a eu surtout beaucoup de progrès dans la manière de collecter la céramique, les céramiques archéologiques. Ensuite, il y a eu des progrès en archéométrie par l'analyse des résidus alimentaires, en archéologie, archéozoologie et en archéobotanique. On en a déjà entendu parler, ça va me permettre de passer rapidement sur certains aspects. Et puis aussi, l'archéologie égéenne a profité de travaux antérieurs sur le banquet dans le monde antique, grec et romain. Et puis ensuite, je passerai rapidement en revue les sources sous un éclairage critique, dans la mesure où toutes sont utilisées pour identifier des banquets, toutes ne sont pas fiables de la même façon. Et puis je finirai par. Un exemple, en fait, un cas d'école qui est le palais de Pylos, dont vous avez déjà entendu parler. Simplement, moi, j'approcherai sous un angle un peu historiographique, c'est-à-dire je regarderai comment a évolué la bibliographie des 50 dernières années sur le palais de Pylos par rapport au thème du banquet. Alors, si on regarde la bibliographie récente, je vous fais grâce d'une liste complète, mais il y a trois titres qui ont marqué la décennie écoulée. Donc, le premier, plus consacré à la consommation de nourriture en général, mais beaucoup des contributions, tout ça, c'est des actes de colloque. Beaucoup des contributions concernent effectivement la consommation ostentatoire de nourriture, donc le thème du banquet. Le numéro d'Hespéria, qui a déjà été cité plusieurs fois, qui est consacré au banquet mycénien, c'est-à-dire uniquement le bronze récent en Grèce continentale. Et puis le troisième, qui est le plus récent, et qui lui concerne tout l'âge du bronze égéen et tout l'espace culturel égéen, c'est-à-dire la Grèce continentale, mais aussi la Crète et les Cyclades et la côte ouest, la côte anatolienne, la côte ouest de Turquie. Je me suis amusée à un petit jeu pour essayer de montrer rapidement pourquoi on peut parler d'engouement et comment on a vu exploser les études sur le feasting en archéologie égéenne. J'ai pris trois manuels, 94, 2008 et 2011. Les deux derniers, j'ai eu de la chance. Il y a deux manuels qui sont sortis très récemment à Cambridge et à Oxford. D'ailleurs, ils sortent toujours les choses ensemble parce qu'ils se concurrencent, donc il ne faut pas que l'un ait un manuel et l'autre pas. Et donc on voit qu'en 1994 chez Dickinson, on a zéro mention dans l'index de feasting, zéro aussi sur banquet, je vous rassure, j'ai bien vérifié tout ce qui pourrait se rapporter au banquet. En 2008, on a 29 occurrences, bon, réparties en sous-entrées chronologiques et géographiques, et en 2011, 19. Donc ça dit quelque chose. Bien. Donc je vais essayer d'analyser ce qui s'est passé. Alors, il y a une petite chose dont je veux parler très brièvement, parce que je ne veux pas la passer sous silence, mais en même temps je vois bien qu'elle est un peu hors sujet. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose que j'appellerais l'ère du temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais la nourriture et la consommation de nourriture, et spécialement la gastronomie, est à la mode. Elle est à la mode dans toutes sortes de domaines. Ça explose dans les émissions de radio, de télévision, dans les recettes sur Internet, etc. Et j'ai choisi deux points d'accroche symptomatiques. Donc le film Ratatouille, que vous avez peut-être vu, qui a eu un succès phénoménal, 2007, hein, les studios Disney Pixar. Et puis le classement au patrimoine mondial immatériel de la gastronomie française en 2010. Je pense que ce n'est pas complètement étranger à cette explosion bibliographique en archéologie égéenne, mais aussi, comme on l'a entendu très bien dans l'exposé introductif d'Arianna Esposito, aussi dans le monde gréco-romain. Bon, alors, on revient chez nous. La première cause que je pense déceler, c'est le fait qu'était à disposition des égéanistes le résultat de travaux très importants faits par les ethnologues et les sociologues, ce que les Américains appellent des anthropologues, en fait, qui est un peu la conjonction de ce qu'on appelle en France des ethnologues et des sociologues. Et qui ont beaucoup beaucoup travaillé. Alors d'une part sur le banquet dans les sociétés traditionnelles, en particulier en Amérique précolombienne. Et aussi, il y a beaucoup de travaux de sociologues qui ont concerné la consommation, y compris de nos jours, et la consommation donc entendue au sens très large de consommation de biens, de tous les biens produits par une société, et pas seulement la nourriture et la boisson. Et donc, dans ces cadres-là, le banquet est qualifié en fait comme une consommation ostentatoire. Et là, on avait une base utile qui a été exploitée. Donc, je vous ai mis ces deux titres-là, Wissner-Schiefenhövel en 97 et Dittler et Hayden en 2001, parce qu'ils sont le plus souvent cités par les archéologues. Et en particulier le second qui s'adresse explicitement à des archéologues dans une perspective interdisciplinaire. Il y en a d'autres évidemment, mais ceux-là, on les retrouve tout le temps dans les bibliographies. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que en archéologie égéenne, il y a une figure importante qui s'appelle Colin Renfrew, qui vit toujours et qui, je ne sais même plus, non, il vient de mourir, je crois, qui a, je peux dire, propulsé l'archéologie égéenne dans dans la modernité. Voilà, c'est l'héritage de la nouvelle archéologie et qui a introduit cette tendance à la conceptualisation et qui a fait en fait considérer les sociétés gènes comme des systèmes dont on cherchait à étudier le fonctionnement sous forme de changement culturel. Alors, je me suis amusée à aller voir l'index du grand ouvrage séminal de Renfrew qui s'appelle L'émergence de la civilisation. Et il n'y a rien sous feasting, mais par contre, il y a une entrée sous conspicuous consumption, c'est-à-dire la consommation ostentatoire. Et ce n'est pas par hasard. Je pense que c'est un point de départ. Alors, pour ces gens, Renfrew, en fait, il cite un sociologue, c'est déjà un peu ancien, Velten, en 1925, qui a fait un travail sur la théorie de la classe, de leisure class, les consommateurs de loisirs, en fait, et qui dit que les racines de la propriété, c'est l'émulation. Et ça, c'est un thème qui est très important, qu'on va retrouver tout le temps dans l'interprétation des banquets, en fait. L'émulation, c'est-à-dire le banquet comme étalage de richesse. Alors, dans les aspects du banquet qui ont été mis en avant par les sociologues et qui ont été récupérés par les archéologues, en tout cas par les égéanistes, il y a plusieurs points principaux. C'est d'abord considéré comme un moyen de maintenir ou d'acquérir un statut social. Et là, on est en plein dans l'exploitation de l'émulation. Et ça, ce n'est pas seulement pour celui qui organise le banquet, mais aussi pour ceux qui y participent, dans la mesure où le banquet sert à intégrer des gens dans le segment d'une communauté ou dans toute une communauté. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le renforcement de la cohésion sociale, où le banquet est considéré comme un agrégateur, soit à l'intérieur d'une communauté, soit entre communautés. Et il y a le cas particulier de la sphère funéraire, disons, qui est très importante pour le monde égéen, puisque les données funéraires sont une source majeure. Et donc, on a en fait dans le banquet funéraire un cas, ça a été bien étudié plus anciennement par des sociologues comme rite de passage, et on sait que le banquet funèbre a toujours été présenté à ce moment-là comme une réagrégation au monde des vivants. Et donc, on est dans un cas particulier de cet aspect agrégateur. Ensuite, un troisième mécanisme important du banquet, ce serait le moyen d'acquérir du pouvoir, puisque ça a été montré dans les sociétés traditionnelles, les banquets étaient souvent l'occasion de recruter de la main-d'œuvre, en fait, ou en tout cas de s'assurer le dévouement de main-d'œuvre ou de mobiliser de la main-d'œuvre. Et puis, il y a un point très important, c'est le repère spatio-temporel, qui n'a pas encore été évoqué aujourd'hui, je dois dire, heureusement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais c'est un point qui me paraît crucial, puisque souvent les banquets sont récurrents. Si il s'agit de festivals, c'est quelque chose qui revient chaque année. Alors là, je fais encore un petit clin d'œil. On voit dans toute la France rurale très souvent des panneaux qui annoncent des fêtes avec nourriture. Hein. C'est parfois tout à fait explicite, le menu peut être sur le panneau. Et ça revient chaque année à la même date. Les tribus de la Saint-Hubert, mais tout ça est lié à des anciennes activités paysannes, comme on en parlait tout à l'heure, le banquet de la Saint-Martin, c'est parce qu'on a tué le cochon et on consomme certaines nourritures à certaines dates, en l'occurrence du porc, uniquement du porc à la Saint-Martin, puisqu'il fallait utiliser tout de suite certaines parties de l'animal, précisément, qui ne se conservent pas. Bon, donc je ne m'arrête pas, mais c'est pour vous sensibiliser à cet aspect de repère temporel et repère spatial aussi, puisque il y a des lieux dédiés au banquet. Alors, ce que je vais peut-être dire tout de suite quand même, c'est que justement à propos des lieux, je ne parlerai pas des. Il n'y a pas d'espace dans le monde égéen, on n'a pas pu mettre en évidence des lieux dédiés pour les banquets. On a trouvé des endroits, je veux dire, les endroits où on a trouvé des vestiges qu'on peut interpréter comme des vestiges de banquets peuvent être entre des murs, peuvent être à l'intérieur, mais il n'y a pas disons que ça ne correspond pas à une typologie précise, récurrente d'un type de bâtiment. Donc je n'en parlerai pas. La plupart des banquets avaient probablement lieu en plein air, et les fosses qu'on retrouve en général, des fosses, c'est l'indice principal, en tout cas, d'une consommation de banquet, les fosses tendent à montrer que les banquets se tenaient à l'extérieur. Et du reste, on le verra tout à l'heure, les indices qu'on a sur la participation, des chiffres énormes, ça peut être 1000 personnes, donc ça ne tenait pas dans une salle, manifestement. Voilà. Donc, toujours sur la, je finis sur les aspects théoriques. Donc, une autre chose qui a été récupérée des anthropologues, c'est en fait les occasions de banquets, donc qui ont été divisées en trois catégories. Les fêtes de mobilisation, qui pouvaient être utilisées, par exemple, pour les débuts de récolte. Alors, on considère, par exemple, que ce vase très, très célèbre qui vient de Crète, d'Aya Triada, qui est appelé le vase des moissonneurs, représentait une occasion de ce genre. Donc, on mobilisait de la main-d'œuvre pour des récoltes ou pour une expédition militaire ou pour la construction d'un grand édifice public, etc. La deuxième catégorie, c'est les événements spéciaux à date non régulière, comme des naissances, des mariages, des décès. Donc, le banquet funèbre s'inscrit aussi dans cette catégorie. Et puis, alors là, on a des exemples assez nombreux. On a par exemple, au palais, enfin, au complexe palatial, dit palatial d'Arcanes, il y a une pièce. D'abord, il y a un dépôt de fondation au pied d'un escalier et qui marque probablement une inauguration. Et puis, il y a dans la pièce, probablement de l'étage, une quantité phénoménale de récipients qu'on appelle les conical caps, donc les coupelles en français. Et on ne peut pas faire d'archéologie EGN du banquet sans rencontrer les coupelles. Et plus tard, vous verrez les coupes à pied mycéniennes, les kylix. Donc, c'est bien de les introduire maintenant. Donc, les événements spéciaux. Et puis, la troisième... le banquet funéraire, autant qu'il existe, fait partie de cette catégorie. Et donc, on a des exemples de... Voilà, justement, la fameuse kylix qui suit la coupelle. La coupelle est crétoise et la kylix est grecque, si je puis dire. Donc, minoenne et mycénienne. Et puis, la troisième catégorie d'occasion, c'est les cérémonies cultuelles, souvent à grande échelle, c'est-à-dire le festival. La fête récurrente qui, elle, peut être liée à un calendrier, en particulier à un calendrier solaire, puisqu'on sait que les Égéens y faisaient attention, en particulier les Minoens. Il y a des édifices qui sont très, très clairement orientés sur les solstices. Donc, c'est des préoccupations qui étaient quotidiennes, probablement. Forcément, l'éclairage, quand on n'a pas d'électricité, l'éclairage est primordial. Bien, donc le premier point, c'était ça, c'était l'analyse des données qui ont été mises à disposition par les sociologues et les ethnologues pour utiliser un cadre conceptuel dans lequel installer finalement les vestiges de banquets. Le deuxième point, donc, c'est des progrès dans l'analyse fonctionnelle des céramiques archéologiques. Et alors, la grande nouveauté, qui est vraiment récente ces, les 10 dernières années, c'est qu'on a enfin cessé de jeter la céramique grossière et commune, ce qui a été fait très très longtemps. Et qu'on ne s'est pas contenté, dans le meilleur des cas, de garder les bords et les pieds et les fragments diagnostiques, mais qu'on a commencé à tout garder. Et donc, cette collecte totale de la céramique, elle est indispensable, elle est primordiale pour l'identification des vestiges de banquets, puisque non seulement on doit reconstituer le répertoire des formes et des décors, ça c'est encore possible en ne gardant que les bords et les pieds, plus ou moins, mais surtout, on doit pouvoir reconstituer le nombre minimal d'individus, on doit pouvoir mesurer la capacité des récipients fermés, on doit pouvoir reconstituer les conditions de déposition, c'est-à-dire est-ce qu'elle va a été brisée sur place, jetée entier ou déjà cassée, est-ce que les tessons trouvés dans les fosses recolles entre petits lots isolés ou à l'intérieur de toute la fosse qui vous donne une contemporanéité pour le dépôt ou pas. Donc c'est vraiment essentiel. Et puis une autre chose qui est très importante, c'est de ne pas laver, je devrais dire décaper la céramique avec de l'acide chlorhydrique comme ça se fait encore un peu en Grèce, mais de moins en moins, parce que vous perdez toute possibilité d'analyser les résidus alimentaires qui pourraient se trouver au fond des récipients. Donc, la céramique qu'on a commencé enfin à sérieusement considérer et collecter, c'est surtout la céramique grossière, puisque la céramique fine décorée était quand même beaucoup mieux gardée. Et donc, c'est en particulier ces fameuses kylix. Et puis, il n'y a pas de flèche de souris. Et donc, en haut, vous avez un bol caréné, et ça, c'est très important parce qu'on en a trouvé qui ont pu, dans les résidus, on peut être analysé. C'est comme ça qu'on sait que ce récipient servait à contenir des aliments solides, alors que la kylix, on le sait aussi par les analyses, servait à contenir des boissons alcoolisées, probablement du vin. Et peut-être aussi de la bière. Et puis, évidemment, les marmites, les jarres de cuisson et les marmites tripodes, c'est aussi des objets qui ont très longtemps, qui sont passés à la trappe parce que c'est pas joli et donc on ne les gardait pas. Alors, ce qui a aussi contribué à l'identification de banquets et surtout de quel type de nourriture pouvait y être consommée, c'est justement les analyses archéométriques dans des résidus alimentaires. Et donc, cet ouvrage de Tsedakis et autres, 99, qui correspondait en fait à une exposition au Musée national d'Athènes, a marqué un tournant. Et il y a eu des analyses, en particulier l'exemple qui est à l'écran, donc d'une jarre tripode et de très nombreuses coupelles trouvées à la Canée, donc ancienne Kydonia, dans la fouille Splendia. Ça a justement montré que des viandes avaient été cuisinées, et alors plutôt bouillies, et avec de l'huile d'olive, avec probablement du vin, puisqu'il y avait des résidus de raisin, et que les coupelles pouvaient servir de récipients pour des aliments solides aussi. Autre progrès, alors c'est l'archéozoologie et l'archéobotanique. Surtout l'archéozoologie, j'ai pas besoin d'en parler en détail puisque Aurélien Creuzier nous a très bien présenté tout ça, mais c'est effectivement l'occasion de rappeler qu'il y a guère qu'une dizaine d'années que les ossements, spécialement les os d'animaux, sont conservés dans les fouilles en Grèce. Et beaucoup ont été jetés, même du reste dans les nécropoles, des ossements humains ont été jetés, mais les os d'animaux encore plus. Et donc là, vous avez vu tout ce qu'on peut en tirer, donc je n'ai pas besoin d'insister. Et puis, l'analyse des macrorestes végétaux donne aussi de bonnes indications. C'est surtout l'épave d'Hüllbrunn qui a permis une quantité d'analyses phénoménales et qui a ouvert une fenêtre sur des choses qu'on ne voyait jamais. Je passe rapidement sur ce point qui me paraît quand même devoir être signalé, c'est les résultats de toutes les recherches qui ont été faites dans l'Antiquité classique sur l'institution du banquet, du symposium, et aussi sur l'institution du sacrifice, parce qu'il ne faut pas oublier que l'archéologie égéenne est d'abord de l'archéologie grecque. C'est pas seulement parce que les hellénistes en général, par leur formation académique, sont des hellénistes, sont même des classicistes, mais vraiment parce que le contexte est le même, et ça c'est très important. Et il y a certains éléments dont on ne peut pas nier la continuité. Et les travaux sur le sacrifice sont très anciens en Grèce. L'ouvrage de Tienne et Vernant a déjà été. Ça n'a pas marché. Si. L'ouvrage de Tienne et Vernant a déjà été cité, et donc c'est des choses relativement anciennes qui font que le sacrifice en Grèce est. Alors, il n'est peut-être pas encore bien connu, comme Sandrine nous a rendu attentive au fait qu'il restait beaucoup de zones d'ombre, mais on a des textes quand même, on a beaucoup de choses, on a une idée de la précision des prescriptions, etc. Donc le sacrifice, il est bien connu spécialement en Crète minoenne, et il est représenté dans l'iconographie, en particulier cette scène célèbre du sarcophage d'Aïatriada, mais aussi sur des sceaux où il y a d'autres animaux que des bovins. Et donc on est certain que les animaux étaient sacrifiés. Alors, il y a de fortes chances qu'effectivement la consommation de viande ait été souvent liée à la pratique du sacrifice. Et je voulais juste citer une phrase que j'ai trouvée, dont j'ai trouvé que c'était un bon résumé des données. C'est le compte-rendu en fait de Denise Grodzinski sur l'ouvrage de Detienne et Vernon, qui dit: «La viande est un produit dont l'état brut a été effacé par toutes les procédures que la cité a mises en place autour d'elle. L'alimentation carnée passe par le sacrifice, donc par les dieux, et les sacrifices instaurent dans le même temps les repas communautaires, lesquels renvoient à l'organisation politique des citoyens.» Donc on a vu, et on sait probablement maintenant, que la consommation carnée n'est pas limitée aux résultats de sacrifices, aux conséquences de sacrifices. Et on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait de la consommation carnée domestique, mais il est quand même clair, spécialement à cause de cas comme Pylos, que les sacrifices occasionnaient la consommation de quantités de viande, peut-être après distribution éloignée, pas forcément sur le lieu du sacrifice, mais en tout cas, effectivement, un bœuf, c'est une quantité énorme de viande. Donc voilà pour les éléments qui, à mon avis, se sont conjugués pour créer un terrain fertile et propice au développement des études sur le banquet et qui explique cette explosion bibliographique dans la dernière décennie. Alors maintenant, je vais passer en revue rapidement les sources. En commençant par la céramique, parce que c'est la plus importante en quantité, bien sûr, mais c'est aussi une source majeure pour l'identification de la pratique du banquet. Donc, bon, j'ai déjà parlé des progrès qui ont été faits dans l'analyse des céramiques archéologiques, mais surtout l'analyse fonctionnelle qui a enfin tenu compte des contextes, puisque on ne peut pas analyser une céramique pour elle-même et que le lieu où on la trouve et l'assemblage dans lequel elle se trouvait est essentiel. Donc on a pu comme ça acquérir des données très importantes. Par exemple, se rendre compte que les kylix, donc ces coupes à pied élevés qui sont fossiles directeurs du bronze récent 3 en Grèce, que les kylix se trouvaient en général dans des contextes rituels ou funéraire, mais ce n'est pas un vase de consommation domestique courante. Ensuite, on a pu voir par exemple que dans les ensembles de consommation de masse comme à Tsungiza ou à Pylos, la céramique qui était la céramique de rebut qui était dans les fosses était peu décoré ou voire pas du tout décoré. Et ça, c'était une surprise parce qu'on a longtemps pensé que le signe d'un banquet réservé aux élites par définition, ça allait produire de la céramique très fine, très bien décorée. Et donc apparemment, ce n'est pas le cas. Voilà, on a pu aussi identifier des ensembles récurrents, comme celui que vous avez à l'écran, d'un cratère, d'une kylix et d'une louche, qui sont clairement des sets, si on peut dire, à servir le vin. Et donc tout ça, c'est des progrès relativement récents qui découlent de ces analyses fonctionnelles. À partir des vestiges de Tsungiza, les fouilleurs ont proposé une classification qu'ils ont théorisé ces vestiges pour proposer un certain nombre de critères indispensables à l'identification de vestiges de banquets dans la tessonaille qu'on peut trouver dans une fosse. Alors, ce qu'ils ont proposé en premier, c'est une déviation de la norme en termes de quantité et de type de décor. Alors quantité, on comprend tout de suite, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de récipients. Mais type de décor, précisément, donc, ils ont noté un pourcentage inhabituellement élevé de vases non décorés, ou alors monochromes, ou alors à décor très très simple, comme juste des lignes horizontales, qui dénotaient une fabrication de masse, et peut-être hâtive, peut-être exprès pour la fête. Le deuxième critère, c'est un pourcentage inhabituellement élevé de formes ouvertes, qui servait donc autant à la consommation de solides que de liquides, puisqu'on a vu que les solides étaient servis dans des bols bas et ouverts. Et en ce qui concerne les formes fermées, il y a une surreprésentation de cruches et de jarres de cuisson, donc dans les céramiques grossières. Et puis un critère supplémentaire, c'est que le répertoire de formes est très limité et ça fait écho au répertoire limité des espèces animales qui étaient consommées. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Il y a beaucoup de céramique, mais il n'y a pas beaucoup de formes représentées. Après, il y a des critères qui ne sont pas toujours décelables, mais qui, en tout cas, à Pylos, qui est un cas d'école, étaient présents. C'est quelques récipients de taille surdimensionnés, de taille inhabituelle. Par exemple, des kylix, donc la kylix moyenne, c'est un vase qui fait 15 cm de hauteur. On a trouvé une demi-douzaine de kylix dont le diamètre d'ouverture dépassait les 30 cm, donc des choses énormes. Et dans les cratères aussi, il y a des cratères qui peuvent atteindre 60 cm de diamètre, c'est des vases gigantesques. Et donc ça, c'est considéré comme un indice. Et puis le dernier critère, mais c'est seulement dans les cas où on pense que le banquet a eu lieu dans un contexte cultuel, voire sacrificiel. Alors on trouve aussi des figurines féminines, des petites figurines animales, et des récipients miniatures, souvent des kylix, mais pas forcément, qui sont considérés comme des. C'est trop petit, là, oui, il y a une échelle. C'est vraiment minuscule, ça ne suffit pas à contenir, en tout cas pas de la boisson et difficilement de la nourriture ou alors vraiment quelques grains de quelque chose, une bouchée, une toute petite bouchée. Donc la difficulté principale, évidemment, quand on considère la céramique comme source d'information, c'est de distinguer entre l'accumulation de déchets de repas quotidiens et le dépôt exceptionnel qui a suivi un banquet. C'est clair que ce qu'on peut appeler la résolution chronologique offerte par la céramique, la maille en fait chronologique, elle reste insuffisante, même si elle est excellente pour, par exemple, pour le bronze récent. On peut dire qu'on est à 25 ans, on est à une génération pour dater par la typologie de la céramique, mais ça reste insuffisant pour établir la contemporanéité parfaite du matériel d'une fosse. Par contre, les conditions de déposition, comme on a vu, peuvent permettre de recroiser des tessons entre le haut et le bas d'une fosse, par exemple. Et là, on a des indices probants. Dans ce chapitre, j'aimerais faire un petit développement à part sur les contextes funéraires, puisque, comme je vous l'ai dit, donc, ils sont très importants en Égée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu mettre en évidence que... On utilisait des récipients à boire et à manger dans les nécropoles. En particulier, les formes ouvertes, les kylix, sont bien représentées. Alors, quand je dis dans les nécropoles, il faut bien faire la différence entre dans les tombes et hors des tombes. Et sur le diagramme de la céramique trouvée dans la nécropole de Médéon, donc au bronze récent, c'est très flagrant. Donc, vous avez les différences entre les formes ouvertes et les formes. Vous avez les formes ouvertes puis les formes fermées. Et puis, vous avez surtout en blanc ce qu'on trouve dans la. Je crois que c'est dans la nécropole et en noir dans les tombes. Ouais, non, c'est le contraire. En blanc dans les tombes et en noir dans la nécropole. Et donc, vous voyez que les courbes s'inversent, en fait. Et donc, toutes les kylix, les bols, les formes ouvertes étaient trouvées entre les tombes ou éventuellement dans les couloirs d'accès, qu'on appelle le dromos. Et les formes fermées, spécialement les petites jarres à étriller, les contenants, étaient trouvées dans les tombes. Donc, ça c'est une donnée qui est acquise depuis longtemps. Et puis, on a aussi assez souvent des représentations. Sur des vases à vocation funéraire, en particulier les grands cratères en style pictural très décorés qu'on trouve dans des tombes. Bon, l'exemple qui est là vient de Chypre, mais il est fait dans une argile argienne. L'argile vient d'Argolide et le style est complètement mycénien. Et donc on a assez souvent dans ces contextes-là des représentations de récipients manipulés ou là entourant simplement les personnages qui évoquent des rituels mettant en œuvre en tout cas des récipients à boire et à manger. Alors après, évidemment, on n'a pas encore prouvé qu'il y a eu consommation effective. Et ça, on ne peut pas s'empêcher de penser au banquet donné en l'honneur de Patrocle, aux funérailles de Patrocle, donc au chant 23 de l'Iliade, où Achille offre un banquet au Myrmidon. Mais c'est avant la crémation qui sera suivie des jeux funéraires. Et tout ce qui a été déposé sur le bûcher funéraire, donc les animaux, le miel et le vin, ne sont pas consommés. Ils sont destinés à accompagner le mort. Bon, alors c'est sûr que le rituel est probablement post-âge du bronze, et puisqu'on sait que Homère n'est pas contemporain de l'âge du bronze. Les données archéologiques vont dans le sens d'une consommation effective de nourriture et de boissons dans les nécropoles, puisqu'on a pu analyser des résidus. Vous avez vu les deux kylix d'Arménie, par exemple, où on a trouvé des traces de vin et de bière d'orge additionnées de miel. Ça, c'était bien trouvé dans la nécropole. Ça ne prouve toujours pas que ça a été avalé. C'est ça encore qui reste un point enfin, qu'on ne pourra probablement pas éclaircir. Par contre, on a un petit indice quand même. Dans les tombes dites à Tholos de la Messara en Crète centrale, on a pu mettre en évidence une progression entre le bronze ancien et le début du bronze moyen de la quantité de tasses, donc ces petites coupelles, hein, et de tasses à boire, qui était déposée dans les pièces entourant la tombe. Donc, le graphique concerne Aya Kyriaki, mais il n'y a pas de bonne photo de cette tombe-là, donc je vous en ai mis une autre, c'est Camille Harry. Mais c'est juste pour vous situer, pour vous expliquer le genre de tombe. C'est donc les défunts sont enterrés dans la partie circulaire, et au cours fin du bronze ancien et début du bronze moyen, il se développe de véritables complexes de petites pièces aux alentours du noyau de la chambre funéraire. Et beaucoup de vaisselle retrouvée dans ces pièces montrent qu'on y pratiquait des rituels. Et ces récipients sont en principe destinés à contenir de la boisson et de la nourriture, et il y a clairement une augmentation de la fréquentation. Voilà, donc avec un doute qui subsiste quand même sur la consommation effective. Les restes de faune et de flore, je pense que tout a été dit tout à l'heure, donc j'ai pratiquement plus rien à ajouter. Sauf peut-être une chose, mais c'est une chose d'ailleurs qui concerne aussi bien la vaisselle que les restes fauniques. C'est assez frappant, et personne ne semble souligner que tout soit enterré. Alors qu'on enterre les déchets carnés, ça se comprend. Après tout, c'est les mettre à la poubelle, et pour que ça sente pas mauvais, pour que les animaux, les chiens ne s'y attaquent pas, etc. Par contre, la vaisselle est intégralement jetée, et il y a beaucoup de vases qui ont Hatsungiza ou Hatsepi pour le bronze ancien, les vases ont été remontés, ils ont été jetés complets, ils n'ont pas été jetés parce que des ivrognes les avaient cassés en fin de nuit, ils ont été jetés complets. Et donc, d'une certaine manière, tout doit disparaître, c'est-à-dire que les traces du banquet doivent être, pour que le... C'est comme si... Le rituel n'était complet, et l'action du rituel, l'efficacité du rituel, parce que le but d'un rituel, c'est l'efficacité, cette efficacité n'était atteinte que lorsque tout avait été scellé par l'enfouissement. Et c'est peut-être l'explication du fait que ces ossements brûlés à Pylos sont soigneusement enterrés après avoir été décharnés, consommés, etc. Avec... D'autres avec de la vaisselle, en particulier de la vaisselle rituelle. La source suivante, c'est. Alors, on a la chance quand même, au bronze récent, d'avoir des sources textuelles. C'est sûr qu'on n'est pas dans de la littérature, c'est pas vraiment des textes, mais c'est des listes, c'est des pièces comptables en fait. Et il y a deux catégories qui nous intéressent. Il y a les tablettes d'une part, et puis ce qu'on appelle les nodules, qui sont des petites boules d'argile qui ont été cuites par accident, qui étaient de l'argile crue, et qui étaient imprimées sur un côté d'une empreinte de sceau, et souvent surinscrites par des signes qui concernaient la nature du produit qu'ils accompagnaient. On connaît bien maintenant le fonctionnement de ces nodules grâce à un gros article de Jean-Pierre Olivier, en collaboration avec d'autres gens, qui a montré qu'en fait ces nodules accompagnaient, en l'occurrence, il a fait l'étude d'un gros dépôt de nodules de Thèbes, du palais de Thèbes, ils avaient accompagné des animaux. Et donc il y avait les petits idéogrammes de l'animal sur le nodule, plus le sceau qui garantissait une provenance, un éleveur probablement. Et tout ça a été collecté à l'arrivée des animaux au palais, dans un souci de comptabilité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le nombre d'animaux et le type d'animaux révélés par un ensemble de 56 nodules de Thèbes a trouvé un écho exact sur une tablette de Pylos. Alors, ce n'est pas celle qui est là, parce que je voulais vous parler d'encore d'autres choses, mais pour abréger, j'en parlerai pas de celle-là. Mais enfin, c'est une tablette de ce type. Et donc, Jean-Pierre Olivier s'est rendu compte que le contenu de la tablette de Pylos faisait un écho parfait au nombre d'animaux et aux denrées enregistrées indirectement par les nodules à Thèbes. Et donc, il se peut qu'on ait eu affaire dans les deux cas à un festival de même type dans ces deux régions finalement assez éloignées de Grèce. Alors, je vous lis la tablette de Pylos qui est classée UN 138. Dounios, qui est un nom propre probablement d'un fonctionnaire ou d'un fournisseur, Dounios doit apporter à Pylos 1776 litres d'orge, 421 litres d'olive à manger, 374 litres de vin, 15 béliers, 8 jeunes d'un an, une brebis, 13 chèvres mâles, 12 porcs, un cochon gras, une vache, deux taureaux, et de Mézaon, qui est un lieu aussi, 462 litres d'orge et 672 litres d'olive à presser. Vous voyez que c'est très précis. Et on voit en filigrane les prescriptions religieuses assez contraignantes sur, sur ce qu'on sacrifiait et ce qu'on mangeait après. Et donc, les nodules de Thèbes reflètent ces quantités-là d'animaux et de denrées. Donc, c'était une occasion inespérée, finalement, de une donnée s'appuyant sur l'autre, de conclure à l'existence de grands banquets dans les deux cas, et donc d'occasion unique. Et ces nodules n'auraient pas été collectés petit à petit, mais grâce à cette tablette de Pylos, qui, elle, clairement reflète une seule occasion, on pense que ces nodules reflètent aussi un banquet de même type à Thèbes. Donc, c'est des sources qui ne sont pas négligeables. Voilà. Après ça, on a, alors comme dans la tablette que vous voyez en haut, qui est aussi une tablette de Pylos, du fameux groupe Théa, qui liste des meubles et de la vaisselle. Là, on a des interprétations qui, à mon avis, sont beaucoup plus tendancieuses. C'est interprété aussi comme la préparation d'un banquet à l'occasion de l'appointement d'un fonctionnaire, mais on a très peu de choses. Il n'est pas du tout question de denrées. Il est question de vaisselle en métal et de pièces qui, d'après les petits idéogrammes, je ne sais pas si vous les distinguez, mais il y a des dessins de vases. Et ils sont très précis et très bien faits, ce qui fait qu'on peut très bien les identifier. Et typologiquement, c'est des pièces qui sont au moins un siècle plus anciennes que la tablette, voire plus. Et donc, c'est des héritages. Alors, bon, je n'entre pas dans le détail parce qu'il y a toute une, il y a des tas de choses à dire là-dessus. Mais je pense que, en l'occurrence, l'interprétation comme banquet est erronée. Et puis, il est question de meubles, mais c'est intéressant parce qu'il est question de sièges et de tables. Or, les sièges sont, en Grèce mycénienne, des petits trônes, comme ils sont représentés là. Ils ne sont pas du tout des sièges quotidiens pour se mettre à table. Ce sont vraiment des trônes pour siéger, pour des divinités ou des rois, des souverains. Et les tables, pareil, étaient utilisées uniquement pour le sacrifice. Et en fait, ce que les gens mangeaient sur des plateaux provisoires qui étaient dressés sur des petits supports amovibles, et on ne trouve pas en fait de table à manger quotidienne en Grèce égéenne, en Grèce de l'âge du bronze. Donc, je pense que ces sources sont à utiliser avec précaution. Je passe aux sources iconographiques. Alors, là, il y a un problème particulier. On a pas mal de représentations de personnages trinquants, en général par deux. Vous avez donc Knossos à gauche et à droite Pylos. Vous voyez le petit morceau en bas, c'est ce qui reste vraiment, et puis en haut, c'est la reconstitution. Et c'est une fresque qui orne la salle du trône, on va la voir en entier tout à l'heure. Et la question, c'est, est-ce qu'il s'agit d'un rituel collectif qui est symbolisé, en fait, par les seuls personnages principaux, qui peuvent être des prêtres, des élites ou d'autres exécutants, et donc qui sont, en fait, une représentation schématique d'une fête avec de nombreux participants, ou alors est-ce qu'on a vraiment affaire à la consommation de boissons par deux personnes, auquel cas on ne peut pas parler de banquet, on n'est pas dans la consommation suffisamment collective en tout cas pour utiliser le mot de banquet. Ce qu'il faut garder en tête en tout cas, c'est que ces représentations, c'est des fresques qui ornaient les murs d'édifices publics, et en général des salles, soit des salles de trône, soit des salles de réception en tout cas importantes. Et j'aimerais faire mention d'une idée d'Emmanuel Villa qui m'a paru intéressante et qui dit au fond le simple fait que le spectateur soit là, que ces fresques soient faites pour être vues, crée la collectivité. C'est-à-dire que le spectateur, par son regard, est enrôlé comme membre de la cérémonie. Et que donc peut-être que c'est effectivement une manière de figurer des banquets. Mais on n'a aucune représentation qui mette en scène une foule de participants. Voilà. Je passe à mon dernier point qui est le cas du palais de Pylos, qui est donc un cas très particulier dont vous avez heureusement déjà entendu un petit peu parler, ce qui va me permettre de passer assez vite. Donc je vous ai juste signalé quelques points sur le plan du palais de Pylos qui doivent vous persuader qu'on a effectivement tous les éléments, tous les ingrédients à Pylos pour supposer que ce qu'on a appelé le palais de Nestor était le cadre régulier de banquets à grande échelle. Donc, ce que je vous ai signalé en bleu, c'est les dépôts, le stockage, c'est-à-dire des énormes dépôts de jars de stockage de nourriture et de boissons. En vert, donc, c'est des dépôts de vaisselle qu'on a retrouvés cassés, mais qui étaient des entrepôts. Alors, sauf le gros de la pièce, en 42, vous avez une cour, en fait, où il y avait de la vaisselle cassée qui était du rebut. Mais sinon, dans l'enfilade de pièces 18 à 22 en particulier, il y avait des quantités astronomiques, plus de 6000 récipients de vaisselle rangés sur des étagères, bon, qui a été retrouvée cassée, mais qui était intacte au moment où le palais a brûlé. Et puis, dans la petite pièce 68, je crois, il y avait plus de 300 jars culinaires. Donc, il y avait un énorme attirail pour préparer à manger pour des très très grandes quantités de gens. Et puis, bon, les salles, la salle du, la cour d'entrée et puis la salle de banque, de, pardon, pas de banque, la salle du trône étaient clairement des lieux d'apparat. Voilà. Alors, juste une vue de toutes ce qu'ils appelaient pantries, donc les réserves de vaisselle. Et vous voyez qu'elles étaient rangées. Là, on voit là un groupe de tasses qui étaient probablement attachées par lanse. On distingue encore, elles ont toutes lance au même endroit. Donc c'était de la vaisselle rangée sur les rayons, des énormes piles de bols. Et puis voilà les types de vaisselle qui ont été retrouvées. Juste pour vous les situer. Et puis les fameux dépôts d'eau brûlée qui étaient accompagnés de petits récipients, de petites kylix miniatures et puis de déchets de très grandes jarres de stockage qui ont été enterrés à Pylos autour de. J'ai oublié de vous montrer là, en rouge, c'est les dépôts où on a trouvé, mais je crois qu'on nous les a déjà montrés, on a trouvé ces dépôts d'ossements. Donc là, vous les avez, vous avez à peu près les ingrédients qui ont fait penser au palais de Pylos comme un lieu de banquet. Et puis le dernier point, c'est les fresques qui constituent un véritable programme iconographique. Donc celle du haut dans le vestibule qui précède la salle du trône, et puis celle du bas dans la salle du trône. Et vous reconnaissez tout à droite donc les petits personnages peut-être festoyants, les dîneurs, qui sont en dessous d'un personnage beaucoup plus grand qui a été considéré comme l'image d'une divinité, peut-être une pré-image d'Apollon avec sa lyre. Après, moi, j'entre pas dans les détails. Voilà. Alors, juste de mon point de vue historiographique, ce que je trouve assez intéressant, c'est que la publication principale des fouilles donc, a eu lieu en 66, les fouilles dans les années 50, et puis l'année suivante, en 67, il est sorti un guide à l'usage des touristes, un petit guide assez complet, enfin, des touristes ou des touristes éclairés, disons. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que malgré toutes ces données assez flagrantes, finalement, ces tonnes de vaisselle et tous les éléments que je vous ai montrés avaient été trouvés, il n'est absolument pas question de feasting, il n'est pas question de banquet, il est question de libation peut-être pratiquée par le roi, parce qu'à côté du trône, il y avait une petite rigole, mais donc on parle de cérémonies rituelles, mais il n'est jamais fait allusion à des banquets. À des consommations collectives de nourriture. Et alors je vous épargne la liste de publications sur Pylos entre la publication originelle et les années 2000, il y en a beaucoup. Rien, absolument rien ne fait allusion au banquet, je peux vous garantir, j'ai tout regardé. Et donc il faut attendre 2001, une réédition du guide révisée, où on voit apparaître enfin une interprétation différente et non seulement des nombreux récipients, mais surtout des fresques. Et c'est parti des fresques en fait, où l'interprétation de Davis, qui a révisé le guide, dit que clairement on a affaire à une scène de banquet à cause des petits dîneurs. Et que elle était probablement le banquet s'est probablement tenu à l'occasion de sacrifices d'un taureau dont on a des traces dans les petits dépôts qui ont été trouvés autour du palais. Et c'est ce commentaire des fresques finalement quand on regarde uniquement la biographie, semble servir de déclencheur, puisque dans les années 2000, vous avez une profusion de publications qui sont explicitement consacrées au feasting, au banquet, Knossos, à Pylos, avec toutes sortes d'analyses de détails très intéressantes d'ailleurs et très sérieuses. Et après, évidemment, on en pense ce qu'on veut et il y a des cas, il y a des interprétations contestables. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si en fait cette première déclaration à propos des fresques avait déclenché la production. Et donc, encore une fois, on a un bel exemple d'archéologie inductive où en fait, comme chacun sait, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, il suffit de se décider à chercher quelque chose et on le trouve. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie, parce que je pense que tu as apporté ce petit regard sur notre manière de comment dire, presque notre manière à nous de penser, de travailler à travers cette historique du terme et de la notion de fistille, de fist ou de même de banquier. Est-ce que vous avez une question? Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire à propos de la consommation carnique dans le contexte domestique, puisque en fait, il faut, en tout cas dans les périodes historiques, on a aussi affaire à des sacrifices dans le contexte domestique, c'est-à-dire qu'on peut sacrifier chez soi. Donc, sacrifier un bœuf chez soi, pas évident, parce qu'il faut être nombreux pour le manger, mais on a des attestations, des inscriptions, des textes qui témoignent pas incongru de trouver de la viande qui peut être issue du sacrifice dans le contexte domestique par le biais de sacrifices qui ont été réalisés dans le contexte domestique, mais aussi dans la période historique. Hein. Aussi dans le fait qu'on distribuait de la viande dans les sanctuaires et parfois on distribuait une grande quantité de viande relativement importante que les citoyens emportaient chez eux, donc ils pouvaient consommer, du bœuf aussi chez eux sans, mais qui était issu d'un sacrifice. Pas forcément un animal qui a été abattu de manière différente. Oui, on n'a pas. Alors, disons, les cas où on a pu mettre en évidence des sacrifices d'animaux d'un point de vue archéologique, c'était toujours dans des contextes cultuels. Donc, on a un cas récent à Métana où il y a des sacrifices principalement de porcs, mais aussi d'autres animaux, qui permettent de dire que ça devait ressembler beaucoup à ce qui se pratiquait en Grèce. Historique, et il y a justement les porte-broches, il y a les petites figurines autour, et par contre on a justement on a des éléments qui montrent que c'était un contexte culturel. Alors par exemple à Tsungiza, c'est un contexte domestique, et là on a vraiment tous les éléments d'une fosse à banquet, et par contre comment savoir si la viande provenait d'un sacrifice fait ailleurs ou fait sur place, un sacrifice domestique, là, c'est. Disons qu'il n'y a aucun élément qui aurait été trouvé dans l'habitat. Mais c'est clair qu'on peut. D'ailleurs, dans la définition que j'ai donnée au début, j'ai fait bien attention à inclure justement des fêtes privées ou publiques. On peut imaginer des banquets privés, il y a des banquets privés. Et une remarque à propos des kilikas, des petites kilix vraiment miniatures que tu as montrées, je me suis demandé dans quelle mesure il ne pouvait pas s'agir de. Non seulement un clic miniature d'un vase, d'une forme de vase, mais aussi de vase miniature qui pouvait contenir les prémices d'une récolte, une pars prototo, comme on parle dans le contexte romain. Je crois me souvenir qu'à Pompéi, par exemple, ont été retrouvées des coupelles minuscules qui contenaient un grain de raisin. Oui, c'est une interprétation qui a été avancée. Et elle est souvent avancée pour les tables à cupules, par exemple, les pierres à cupules. Et que ça aurait pu servir à des offrandes, par exemple, céréalières avec différentes graines. C'est des cupules très petites, mais effectivement, c'est une interprétation qui a été proposée. Remarques, questions. personne souhaite ajouter quelque chose. Bon, ben on va arrêter maintenant parce qu'effectivement c'est plus tard que ce que nous avions prévu. Nous excusons à nouveau de ce début qui a été atrocement difficile, qui a permis à notre première intervenante d'arriver à l'heure, à son heure, et du coup à l'autre aussi. Merci beaucoup. Alors donc pour les intervenants, ben, si tout le monde n'a pas donné un petit résumé et une bibliographie, ben, ça serait bien de nous la fournir dans les temps qui viennent, puisque nous les mettrons sur le site, donc le Praline, donc le carnet de recherche Praline qui est sur ecultas.org. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire des enregistrements qu'on a fait. Si c'est quelque chose qui est utilisable, si vous nous permettez éventuellement de les mettre aussi sur le site. Je pense que pour la plupart, ça se passe tout à fait de diaporama, mais je ne sais pas encore très bien comment est-ce qu'on va les traiter. Je ne sais pas non plus. Merci beaucoup à tous. Merci. Et puis à la prochaine séance dans 6 mois. Sur un thème encore inconnu. Thank you.